Thank you. Et ça? Thank you. des tropiques. Viens danser, Karma. On dirait. Si bémol 5, we'll be right back. J'essayais Gimme All Your Loving, mais là, je vois. Yeah. la lumière en plein, et dans l'ombre en silence. Si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin quand il brille. Dis-toi qu'il n'est pas la carte son. Wow. Oh, merde. Putain, c'est costaud. Allez-y. Allez. Allez-y quoi. Putain, il y a l'orage. Wow. J'ai fermé.